Voilà, ça démarre mal. Le micro info contact, il faut pas toucher au micro, Thierry, d'accord? Ok, c'est reçu. Bon, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 562 sur RIG 90.7 qui tous les mercredis entre 20h et 22h02 minutes à peu près et la radio des Beatles, forcément. Nous avons un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt, le retour génial de Paul McCartney en 1989. On écoutera plusieurs extraits. Il y aura My Brave Face, très Beatles, Rough Ride, Figure of Eight, l'entrée de son show en 1989. Quelle fantastique entrée. Il y aura Put It There, We Got Married. Et il y aura une chanson qui ne figurait pas sur l'album à l'origine, mais qui était en 45 tours, parce que c'est entraînant, parce que ça me rappelle quand il avait chanté avec Stevie Wonder une chanson qui était... Ah, évidemment, quand j'entends autre chose, j'ai du mal à me rappeler. Mais il avait chanté une chanson sympa qui était très rythmée. Et bien là, ce sera Good Sign. C'est extrait des sessions de Flowers in the Dirt. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Instant Karma, We All Shine On, en 70 sur un single. Pour George Harrison, Waiting on Your All sur All Things Must Pass. Puis Ringo Starr nous chantera It Don't Come Easy, c'est un single en 1971. Quant aux Beatles, ce sera, vous avez deviné, I'm Only Sleeping sur Revolver en 1966. Mais ne dormez pas tout de suite, retrouvez-moi sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et le petit topic est tout en haut et tout va très très bien se passer. Je vous propose d'aller directement sur le premier titre. Le premier titre, c'est de l'album, extrait de l'album My Brave Face. Non, extrait de l'album Flowers in the Dirt, c'est My Brave Face. Bonne soirée à toutes et à tous. La saga des Fab Four, c'est parti. lorsqu'on critiquait McCartney en disant « Ouais, mais ça ressemble aux Beatles, là, My Brave Face », il répondait « Mais s'il y a des gens sur Terre qui ont le droit, peut-être plus que les autres, de faire comme si c'était les Beatles, c'est bien nous, George Harrison, Ringo Starr, moi ». Évidemment, ça aurait pu être John Lennon s'il l'avait fait à son époque, parce que ils ont été les Beatles, messieurs, dames. Et oui, je ne vous cache rien. Donc, My Brave Face, c'est une excellente chanson par le roi McCartney, Paul. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, 'cause you're soon gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you. Yeah, you. This is karma's gonna get you. Gonna look you by the face. Better get yourself together, darling. We'll be right back. auditeurs affûtés comme vous l'êtes ont bien remarqué que j'ai annoncé d'abord George Harrison « Waiting on Your Hall », puis Ringo Starr et « Don't Come Easy », et nous venons d'entendre Ringo Starr. Alors, j'ai juste inversé, je me suis trompé, c'est pas grave, c'est mercredi, et mercredi c'est Ravioli. Donc, on passe maintenant à George Harrison. C'est quand même sur l'album « All Things Must Pass », mais oui. You don't need a love it. You don't need a big pass. You don't need a heart as you're full of bags. Just don't see the mess that you're in. If you open up your heart, you know what I mean. The people who need to love, that is a way for you to get clean. By chanting the name of the Lord, and you'll be free. You don't need no passport, you don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. If you open up your heart, you see he's right there. He always was and will be, he'll relieve you of your care. You don't need a church house, you don't need a temple. You don't need all those DVDs or the books to read to see that you are falling. If you open up your heart, you know what I mean. If you can't dance alone, we're all thinking and we're all green. While the Pope was 51% of general voters. Alors nous avons écouté depuis le début McCartney avec My Brave Face, puis il y a eu John Lennon Instant Karma, suivi de Ringo Starr It Don't Come Easy, et à l'instant George Harrison Waiting on Your Hall. Avant d'écouter les Beatles avec I'm Only Sleeping, ce qui est peut-être un petit peu ce qui me caractérise ce soir, j'ai l'impression, je vous propose d'essayer de tout savoir sur les Beatles grâce à un site. C'est le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga, mais pas

de souvenirs ça m'évoque cet album-là, parce qu'en 1989, c'est là qu'un certain Thierry Gallet, âgé de 25 ans, a vu en octobre pour la première fois son idole, Monsieur Paul McCartney. Et à l'époque, le petit crétin de 25 ans s'était dit « Eh, mais pour 47 ans, il se débrouille pas mal encore le vieux !» N'importe quoi. Des baffes, des baffes. Bubble. C'est John Lennon, Clean Up Time sur RG. Sunlight on my face, you and me together, we are in a place. The gods are in the heavens, the angels treat us well. Oracle has spoken, we cast the perfect spell. Now it begins, let it in the kitchen, making bread and honey, no friends and yet no enemies, absolutely free, no rats aboard the magic ship of perfect harmony. Now it begins. Wherever we may roam, the center of the circle will always be our home. Yeah. don't seem so bloody easy. You know, like, what to wear, very serious, like, you know, am I gonna get rid of the pimples? Does she really love me? All that crap. But now I don't bother about that shit no more. I know she loves me. All I gotta bother about is standing up. À la fin, il dit OK, tu peux sortir, parce que c'était des chansons à peine travaillées, c'était mises de côté pour l'album suivant. Vous savez, quand je dis que pour Double Fantasy, il aurait pu, ça c'est un conseil à posteriori, forcément, il aurait pu par exemple virer les chansons de Yoko Ono comme ça, et puis mettre celles-ci qu'il aurait travaillées vraiment, vraiment à fond, qui sont sorties après sur Milk and Honey. Ça aurait donné un album plus homogène de Double Fantasy. Mais bon, il m'écoute pas. Bon, surtout que en 1980, je n'avais que 16 ans et je ne connaissais pas John Lennon et lui ne me connaissait pas non plus et la saga des Fab Four n'existait pas encore. Hold it. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road harbor. Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. We'll be right back. Thank you, brothers. My hands getting hurt. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des femmes fortes. Sinon rien. Tout à l'heure, c'était Dig a Pony, j'aime les poneys. J'aime un poney, pour être exact. Des Beatles, en 1970, sur l'album Let It Be. Alors, c'est même la version Let It Be Deluxe, sortie en 2021. Et puis, Here Comes the Sun, sur Abbey Road, sortie en 1969. Mais je vous ai proposé la version Super Deluxe, sortie en 2019. Alors écoutez, quand on écoute les Beatles, autant mettre la meilleure version, celle qui est la plus belle. D'ailleurs, puisqu'on parle de la plus belle... Je vous ai dit, le petit idiot de 25 ans qui est allé voir Paul McCartney et qui avait osé dire à 47 ans, il se débrouillait encore bien. La première chanson que chante Paul McCartney à l'entrée du concert en 1989, c'est une chanson de cet album-là, Flowers in the Dirt, qui est l'album de la semaine. C'est la chanson Figure of Eight. Et c'est une chanson sur laquelle il faut attraper les notes en hauteur. Et j'ai eu l'impression, à cette époque-là, qu'il n'attrapait pas vraiment convenablement tout à fait les... Mais de quoi je me mêle? C'est pas moi qui suis musicien, c'est McCartney qui est bon. Donc, il se chauffait la voix et après, c'était absolument fantastique. Mais pour la peine, pour rendre hommage à Paul McCartney, voici la chanson du studio Figure of Eight sur RIG. You come. bridges is the best way to grow. Down every road you come to bridges. Crossing bridges is the best way to go. Cet album de Ringo Starr en 2015. L'album s'appelle Postcards from Paradise. Il y a plusieurs chansons que vous connaissez très très bien et que vous aimez. Et j'avais envie de vous proposer un extrait déjà de Ringo Starr de 2015. Bien, ce qui m'inquiète d'ailleurs, on en a déjà un petit peu parlé, c'est que Ringo Starr continue ses tournées, alors que Paul McCartney, pour l'instant, il a fait un début de tournée américaine, mais enfin, et puis Brésil, il me semble. Et depuis l'Europe, on n'en a pas entendu parler. Alors qu'habituellement, quand il commençait ses tournées, c'était, on commence par l'Amérique, et puis on va sur l'Europe, et puis on finit en Angleterre, toujours. Là, pour l'instant, on verra bien. Pour l'instant, voici Paul McCartney, mais Paul McCartney sur l'album, vous savez, Choba BCCP. Ici, l'album russe Choba BCCP, sorti en 88, uniquement en vinyle, et après en 91, et seulement pour les Russes, et en 91 pour l'ensemble du monde parce que ça nous aurait manqué. Je vous propose I'm in love again et écoutez bien cette chanson, vous saurez pourquoi tout à l'heure. bien maintenant, je vais profiter de la chanson suivante pour souhaiter un bon anniversaire à Ariane Debost, qui est une copine qui travaille avec moi à l'aéroport. Je ne donnerai pas son âge, c'est une toute jeunette puisqu'elle a même pas la moitié de mon âge. Une toute jeunette. Et puis également pour un fan de la saga des Fab Four qui s'appelle Yann Rousseau, qui a un petit âge aussi aujourd'hui. Donc bon anniversaire tout le monde, c'est votre anniversaire, mais c'est pas le mien. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio. The Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? sorry that I doubted you. I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's all right, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Ça veut dire globalement me laisse pas de côté quoi. Et c'était une chanson de Ringo Starr qu'il avait commencé dès 1963, mais on lui disait toujours ouais on fera ça hein, mais plus tard. Et il a fallu arriver jusque là, jusqu'en 1968 pour arriver à faire ça. Je tiens l'anecdote, bon je l'avais déjà lu dans les bouquins, mais lorsque je suis allé voir Ringo Starr en concert, il en parle et il commence avec les trois notes de piano en disant. Voilà, moi j'avais ça en tête, bing, bing, bing, bing, et puis ça a mis quand même 5 ans à sortir. Oui, on va dire qu'il n'a pas été super prolifique, en tout cas avec les Beatles. Mais bon, sinon après, en tant que parolier, même si ça va jamais très très loin, il a su se débrouiller le père Ringo Starr, parce qu'il continue à chanter depuis 1970. Et comme vous l'avez constaté, il fait encore de très belles chansons, de très bonnes chansons, qu'il sait adapter à sa voix. Des chansons mélancoliques parfois, ou des chansons country, ça va très très bien à la voix de Ringo Starr. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flowers in the Dirt de Paul McCartney en 1989. Et ce titre, que son père lui disait, si c'est trop lourd, pose ça là. Si ça pèse une tonne, put it there sur RIG. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton. As long as you and I are here, put it there. Long as you and I are here, put it there. I'd like to fix it. I hate to see things go so wrong. The darkest night and all its mixed emotions is getting lighter. Sing along. Put it there, if it weighs a ton. That's what a father said to his young son. I don't care. If it weighs a ton, As long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. On a un poil en avance, mais c'est pas grave. Voici le moment de la cover. Qu'est-ce que la cover ? J'attends que quelqu'un réponde. Personne ? Bon. Alors la cover, c'est une chanson que John, Paul ou Ringo ou George chantent, que ce soit avec les Beatles ou après en carrière séparée. Et même si eux-mêmes ont fait la reprise de quelqu'un d'autre, de Chuck Berry par exemple, Ringo Starr qui a repris des chansons de Carl Perkins, George Harrison qui a repris des chansons de Cole Porter. Bref. Eux ont chanté cette chanson-là, et la cover, c'est quelqu'un qui chante ce qu'ont chanté les Beatles. C'est clair? Là, je crois que c'est clair. Eh bien, ce jour, aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque Paul McCartney a chanté I'm in love again, je vous ai dit, gardez ça en tête. Parce que voici la version originale, celle de Fats Domino. C'est en 1900, où se trouve? C'est en 1956, c'est un single. Voici I'm in love again, c'est quasiment la même chanson. Monsieur Fats Domino, sur RIG. It's me and I'm in love again. Had no love and say you know when. You know I love you. Yes, I do. And I'm saving all my love in jail for you. Need your loving and I need it bad. Just like a dog when he's going mad. Ooh-wee, baby. Ooh-wee. Baby, won't you give your love to me? Any minute in money more. Told me and warned me around no more. Ooh-wee, baby. Ooh-wee. Baby, don't you let your dog bite me. Jail for you. Any minute in money more. Told me you didn't want me around no more. Ooh-wee, baby. Ooh-wee. Baby, don't you let your dog bite me. La chanson suivante, après la cover, c'est quelquefois les fils d'eux, ou les ressemblants à. Et ben là, c'est un fils d'eux. C'est Julian Lennon sur son dernier album actuellement. Son dernier album s'appelle tout simplement Jude, et il est sorti en 2022. Voici la chanson Love, Don't Let Me Down. Ça n'a aucun rapport avec Don't Let Me Down. Non, non. To feel alone. What is it like without a home? Don't you believe in who you are? Open your heart and you'll go far. You've got to believe in what you say. You've got to believe in one more day. To reach out and don't let go. Dreams are real, don't you know? Down. dernière fois qu'on a entendu parler de cet album-là, Early Takes Volume 1, c'était en 2012, il y a pile 11 ans. Et ce serait bien de nous faire un volume 2, parce que c'était George Harrison, si vous n'avez pas deviné. George Harrison qui reprenait Let It Be Me, chanson à l'origine de Gilbert Bécaud, monsieur dame. Mais oui, tout à fait. Reprise par Elvis, par exemple, et par d'autres, certainement. Je n'ai pas en tête tout le monde, mais ça, c'est un beau truc de bien de nous avoir proposé cet inédit de George Harrison. Parce que quand il faisait des reprises, également, il se débrouillait très bien, monsieur George Harrison. Voici les Beatles, en 1967. Je répare un trou dans lequel l'eau tombe. Et certains, la BBC, ont vu que c'était encore une histoire de drogue et tout ça. Oh, mais on n'en finit jamais. C'est une belle chanson de Paul McCartney et des Beatles sur Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band et sur RIG 90.7, la radio des Beatles. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering. En 1967, il réparait un trou dans lequel coulait l'eau. 22 ans plus tard, en 1989, cette fois-ci, il se marie. Enfin, non, il s'était marié, puisque « We got married », ça veut dire qu'on s'est marié. C'est l'album de la semaine, c'est sur « Flowers in the Dirt » et c'est Paul McCartney sur RIG. Coming soon, we made love in the afternoon. Found a flat, after that, we got married. Working hard for the dream, scoring goals with the other team. Times were bad, we were glad, we got married. To each other. When you find the meeting of the minds, it's just as well. Love was all we ever wanted. It was all we ever had. Further on, wife, we got married. J'avoue que j'adore ce titre, j'adore notamment le passage quand on entend le truc ton, ton, ton, ton. J'adore ça. Et puis, bon, c'est du très bon McCartney, c'est vraiment très très bien. Tout comme la chanson que vous allez entendre maintenant, qui est 2 ans après l'album Postcards from Paradise de Ringo Starr, c'est la chanson de l'album Give More Love. Vous savez, quand je vous ai parlé en début d'émission que ce qui va bien à la voix de Ringo Starr, c'est quand il a une voix traînante, ou alors dans le domaine du country, où ça lui arrive, c'est très très bien, ou une voix traînante, une voix d'un gars qui est un petit peu déprimé, quoi, si vous voulez. Et là, cette chanson-là, So Wrong for So Long, je l'aime beaucoup. Elle est sur cet album-là en 2017, comme quoi, encore en 2017, Ringo Starr fait de très bonnes chansons. Là, c'est les deux, c'est triste et country. When we first met on the rooftop of that hotel, everyone around us could see we got on well. So we took the elevator straight up to the 42nd floor. Was in love again, and I knew that you were too. We spent every night together, nothing was taboo. And early in the morning, with the sunlight in your head, I knew we'd stick together. You were the answer to my prayer. How could I be so wrong for so long? How could I be so wrong for so long?

Music, George Harrison en 1973 sur l'album Living in a Material World. Et ce titre, le titre c'était Be Here Now. Oh oui, on va l'écouter très très fort. Libre comme un oiseau, free as a bird, surérigé. On monte le son à fond, messieurs, dames. S'empêcher de doubler ce titre avec Real Love, sorti un an après en 1996. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. principe, dans une quinzaine de minutes, ce sera Eric et son émission Johnny de A à Z. Et si je voulais faire un super jeu de mots, bien vu par rapport à la playlist, je dirais le fait que Eric arrive, c'est un bon signe. Ah oui, le titre du morceau, c'est Good Sign. Il est doué, Thierry, il est doué. Ça, c'est un petit truc pour se faire plaisir. Écoutez-le fort, c'est bien. McCartney qui s'amuse. 1964, il y avait en français 4 garçons dans le vent, qui était la bande originale du film Hard Day's Night. En 1989, Paul McCartney nous fait Paul McCartney dans le vent, avec ce titre Good Sign. Juste comme ça, pour le plaisir, pour montrer que t'es capable de faire quelque chose de dansant, pour le fun, simplement. Voilà. J'ai reçu un message pour me dire Non, pas d'Eric ce soir, il ne sera pas là à 22h, ça tombe bien parce qu'on n'a largement pas fini la playlist, donc on va aller jusqu'au bout, on va déborder, mais oh, 2-3 fois rien monsieur, 3 fois rien. Yeah. you ask her how it's done, she won't know. It's like trying to catch the sun on the water. She tries to explain, then it happens again. She haunts me like the sound of the rain, or a river running down to the ocean. I hate to complain, but it's happening again. Vous était offert par Pascal Dupont, présent dans le studio, qui a eu la gentillesse de venir partager la soirée avec toute l'équipe de la Saga des Fab Four, et ça se passe bien. Nous ne sommes que au soda, hein. Nous sommes très très sérieux. Allez, pour arriver jusqu'à la fin de l'heure, voici George Harrison, Cheer Down, extrait du Best of Dark Horse 1976-1989. Le Vache nous a émis 3 chansons inédites, donc obligé d'acheter l'album et le best-of, de façon à avoir ça. C'était comme ça à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. Love you instead. I want you. about. La musique. Je vous propose extrait de des anthologies, tiens. Une version de 8 Days a Week que j'adore parce qu'elle est différente de la version que vous connaissez et elle est très très bien. Voici 8 Days a Week avec des au début.

pas de ma faute. À un moment donné, il faut s'arrêter. On doit rentrer chez nous. Toute l'équipe de la saga doit retrouver sa famille, c'est normal. Donc, on vous dit à la prochaine fois, de bonheur, de bonne humeur. En tout cas, ce sera une nouvelle saga avec un album de la semaine. Lequel ? Vous le saurez samedi peut-être, ou peut-être plus tard. On ne sait pas. On ne sait jamais à l'avance, sauf quelquefois quand ça m'arrive. Allez, à très bientôt. Salut les filles et poignement aux garçons. À très bientôt. Ciao. I can bet.